Je m'adresse à toi chouchou, pourquoi tu fais tout semblant? Moi je n'ai pas beaucoup, ta place dans mon cœur est vide. Ha ha ha!